Amen. Mungu atubariki sana. S'il vous plaît, tunaweza kukaribia kwa kumbele. Hii mafashi yote ya sheni yetu ya sheku ikala. Tukaribie kumbele. Na kwa kukupa kapitana kuikala. Tukaribie s'il vous plaît. Lewe kwa vendredi ya priere. Chofa tata kumbele uku. Uko libre. Uko libre kuikala ta kumbele. Amen. Tunabariki Mungu makati ya mangaribi ya leo. Na tunabariki mchungaji kwa kuweza kutupatia tena wakati ya kushimama kumbele yenu. Papa, merci. Tunasema sante kukanisa mujima. Sababu leo iko siku ya vendredi, siku yetu ya jeûne et prière. Napenda kuonesha kitu kimoya kusema mangaribi ya leo tosha moboka vile baliweza kutufundisha mercredi. Mungu ashitumikake na bantu baboka. Mungu yuko anatumika na bantu bale beko disposé. Na utaona mkono ya Mungu mu maisha yako. Amen. Mungu anasema na Gédéon, mujuju chapitre 7, verset yake ya 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Amen. Ule eko na boka, mangaribi ya leo, ekale tu kimia. Ju mangaribi ya leo, tunapenda Mungu atutendee kuna shie mukanisa huu. Tunataka Mungu avizite peuple yake. Kishina kietu kia mwaka tuko nakyo. Kenye mujuju chapitre 6. Mungu anasema na Gédéon, kwenda na ile nguvu uko nayo. Nimi Mungu mimi nasema na nimi Mungu mimi takushindikiza. Amen. Wakati Mungu alimwambia Gédéon kile kintu, Gédéon alijua. Na aliona mateso alikuwa nayo. Aliona mangaiko alikuwa nayo. Lakini solution ilikuwa ni presence ya Mungu. Acha nikwambie sema mambo yako, mambo ya kanisa hii. Solution ni moya, presence ya Mungu da parole de Dieu. Amen. Ni kwa bale beko na nguvu, bale beko courageux, jo batafika mukwafronte makazi yote ya ngiza. Mumwito ya Josué, Moïse anisha kufa. Mungu anamwambia Josué, ni wewe Josué utaingisha babantu muteri promise. Lakini napenda kuonesha kitu kimoya. Ujitilie nguvu. Ujidetourne ni ku gauche ni ku droite. Sois courageux. Na hakuna kitu kitaweza kuresister. Amen. Na Josué alitembea kufuatana na Mungu. na hakuna kabila tamu iliweza kumushinda. Victoire ya Mungu ilionekana. Le Dieu de l'impossible alirendre bintu byote possible ku ngambo yake. Na Josué aliingia mu terre promise, kumwisho ya passage yake anasema moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Sababu Josué aliona mkono ya Mungu. Josué aliona jibu ya Mungu mu maisha yake. Njo komana alifika mkufanya les déclarations. Banduku mangaribi ya leo ni mangaribi ya déclaration ya bantu beko courageux. Amen. Bantu bashipo boka. Bantu bakuweza kujafronte. Napenda tusome Biblia. Tubebe kitabu kia deux rois. Chapitre 2. Verset yake 19 paka ku 22. Deux rois, chapitre 2. Verset 19. Le gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les firent apporter. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérile, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élie avait prononcée. Amen. Amen. Élie anatembea pamoya na Élisée. Banaishi bote pamoya na Élisée alikuwa naona namuna ile Élie eko na mutumiki ya Mungu. Banduku tukuye bantu bakuyua kuimite bantu bengine. Tushitumike kaji ya Mungu mu contradiction. Neno ya Mungu inabakia vile vile. Amen. Élisée anabakia attaché kwa Élie. Bananza kutembea naye. Banafanya naye ma miracle mbalimbali. Élisée kona iona. Anasema shijaona mambo sahi. Élisée anza kuona na yeye. Anaanza kuaspire akuye sawa Élie. Amen. Anakuye na ile ma, ile amu ndani yake. Anakuwa na ile desire ndani yake. Wakati moya fulani, Élie anakosana na Mungu. Kisha kukosana na Mungu, Mungu anasema okay, wakati ya kukuremplace inaenea. Bana muremplace kuko Élisée. Mungu anamwambia Élie, huyu mtu ndio atakukombola. Élisée alibakia attaché. Élie akukuye na roho mbaya contre Élisée. Anaanza kutembea naye. Malgré Mungu alisha kumwambia, eko na mwambia, lomba kile unataka. Banafika ku Bethel, exercice ya kwanza. Élisée kubaki. Banenda ku Jericho, Élisée kubaki. Banatambuka Jourdain, Élisée kubaki. Eko paka kando kando yake. Na eko na mujibu, shita kwacha. Aussi longtemps uko naishi, nafsi yako uko naishi, siwezi kukuabandone. Akupenda kumuabandone sababu, alijua kusema ya kama, ndani ya huyu mtu, muko kintu kia bei. Apana kuichika banduku, kuabandone eglise, ndani ya hii kanisa, muko presence ya Mungu. Ndani ya hii kanisa, muko benediction. Ndani ya hii kanisa, muko elevation. Ndani ya hii kanisa, muko victoire. Na hii kanisa, hiko na mapromesi mumukini umu. Amen. Kanisa inatosha ba serviteur ngapi? Deko na kuwaiti, babi yana tulukua nabo kujipese mukanisa umu. Niko ne baongoza kujipese mukanisa umu. Ba pastor barisha kwenda, beko ku Haiti, bana kwenda. Banse ndadada beko ku Kinshasa, benye kutoka mujipese ya kanisa umu. Kanisa hii munaona banduku, muko victoria ya Mungu. Lakini ni sheye bantu, tunapenda kurudia kumukongo. Aina histoire ni vérité. Eli na Elise banatembea pamoja. Banafika ku Jourdain. Elise eko na muangalia Eli. Tutatambuka je twende ngambo. Anamuonesha seme utaona kitu kitafanyika. Eli anabeba manto yake. Anapika pamai. Jourdain na kachika bana traverse. Pale bana kwenda odela. Anangalia seme, okay, uyu peti atashinda kufanya demituru sasa. Njua anamwambia lomba kile unataka. Lomba kile unataka. Anamwambia mi nataka double portion d'onction yako. Akumulombe kintu kimwana, mulomba bintu mbili, nguvu yako mala mbili, ikuye ndani mwangu. Elia na shutuka, unalomba kintu kia nguvu, lakini apana kuya disre wakati liko na kwende. Beko na tembea, beko na kwende na kuzungumuza. Elia na nyanyuliwa. Elize na bakia yepeki. Lakini yako na muangaria, anamutupia manto. Pala anabebele manto, kisha kuria. Anaria sana. Baba yangu unakwendo ni nyacha wapi. Anaanza kurudia. Anafika pa Jourdain, anabeba ile manto. Anaipika pa Jourdain, anasema, où est le Dieu d'Eli? Jourdain akachika, anatambuka. Mukutambuka batoto ya manabii banamufuata. Anebakataja seme mushende kumutafuta. Lakini boba ne insiste ne bambia bashi mwende. Banakwenda bakumuretrouver. Banarudia, anebambia seshi ni miambia seme mushende. Wakati boko nazunguza na batoto ya manabii, bantu ya mukini banatokelea. Banamupose problème. Problème yabo ni nini? Mukini tuko nayo. Iko mzuri vile unaiona. Lakini mai ya mukini iko mubaya. Mai ya mukini iko mubaya. Na mumukini bintu abiote. Bintu biote biko sterile. Banyama abevoliwe. Tunarima bintu abiendeke sababu mai ya kuagoze iko mubaya. Amene. Ekwasyon la lipata. Ndani yake anakumbuka, niko na Mungu wa baba yangu. Ataleta jibu hapa. Banduku, Elize, akuseme mwende kesho mutewa kubeba jibu. Pale. Munilete nsani, banaleta nsani, mweke ponchunzi, banaweka nchunzi, anakwenda wapi kusursu. Wakati alikwenda kuchemu ya mai, anaenda kumwanga nchumvi na masemo yulu eko anasema. Amene, njo mambo yangu ya mangaribi ya leo. Hautasema leo jua problemi yako. Unesha kujombea wakati mrefu. Leo niko na sujet tu mbili. Ile tutaombea mangaribi ya leo. Kishina cha kwanza utaombea ni mchungaji wa kanisa hii. Ni mtu anaweza kujidekuraje. Qu'est-ce qui n'a pas fait pour l'église? Tangia alipata bu pastori ya kanisa hii. Ma seminaire, ma enseignement, ba formation, lakini mwangalie effectif ya kanisa. Inaweza kumudekuraje? Parent, unalipia mtoto masomo. Eko paka na doublé, eko paka na doublé. Jusqu'à ce qu'on a triplé bana mufukusha na kumasomo. Pour finir, utasema, yako wei nenilele hapa. Bakia tu, wazi kuchunga kunyumba. Amene? Amene. Njoo vile baparan beko. lakini mwangalie vile yeye anabakia ofure omule kaja mikono na mukokota kanisa na mukokota ma problème katikati yetu na mukokota je te kosa kumombea siku ya jeune saa ya leo kuweze kulia kungambo ya Mungu ke Mungu amurehabilite amupatie tena sagesse akuye sawa Paul wa Biblia akuye sawa Pierre et surtout ya yote akuye sawa bale batumishi ba zamani benye tunasoma kama Bible kintu kya pili ni kuombea kanisa source ikuye mzuri kama source inakuya mzuri mai yote itapata manayo matunzo bantu bali kunwa mai ilikuya mzuri kama unasoma pia kitabu kya Exode inakuya ni Musa après 3 jours ya marche taifa inaanza kulia taifa inalia Musa tuna na mai hakuna angalia mai unatupatia kwa mubaya Mungu anamwambia Musa sema Musa hapana kushutuka jibu ni kando kando yako angalia kote yako Musa anaangalia sema lokote ile muchi ko pale tupa mumai aikukuye solution ya kusema ya kesho kutu alimedia le Dieu de l'impossible en rendre bien tu minakuya possible lokota ile ko pale tupa mumai bantu batakunwa analokota muchi anaitupa inaingia mumai mai ina change mai inakuya mzuri bantu banakunwa bivuko binakunwa na banashukuru Mungu amen njole tunataka mangaribi ya leo kanisa iko na maprobleme kuko bantu beko nasema marenyo iko na pitika huko na kule ma deuxième monde kuko bale bantu beko nafia milango ya kanisa ifunge tuko nafia milango ya kanisa ifunge kupicha kudekuraje bantu kupicha kushimanga ba mambo ya kanisa ni kashi ya shetani kama wewe na mimi utashimama na kumomba Mungu tutabakia katuko najiuliza pourquoi bintu abiendeke mangaribi ya leo ni mangaribi ya kumba mangaribi ya leo ni mangaribi ya kumba si j'aime bien ya prière masemo yote mubaya balisema contre cette église tu n'as pas choix qui touche à inje ba sataniste bale bote boko nafanya réunion contre kanisa hii Mungu ashokipe napo puisque Bible nasema ni Mungu mwenyewe anasema je bâtirai moi-même mon église banduki napendeza Mungu ayenge kanisa mukanisa mkuye ba prophète mukanisa mkuye ba évangéliste ba nguvu mukanisa mkuye ma don spirituel ya nguvu ya bia kweli ma don authentique apana ma don fabriqué ma don authentique poussé par l'esprit de Dieu tumwambie Mungu kanisa ipo sawa kanisa ya mitume kwenye Biblia nasema balikuwa banaongeza bantu balikuwa banaongezeka banabake na banume balikuwa banaongezeka kumafundisho ba mitume na kanisa ilichungwa na Roho Mtakatifu amen na victoire ya Mungu iliweza kuonekana kavumu ka Mungu yako inaonekana kupitia maofe ile konafanya banduku Mungu atumikake na mtu wa buvivu Mungu atumikake na baparesse njoo kwa maana mangaribi ya leo tunapenda shebote kuomba sawa mtu mmoja tu récupérer situation bientôt la tour tunakwenda ku Pentecôte message li chapitre communiquer li pita mumisa utajipreparer je njoo kufia ku Pentecôte tunapenda kuomba Mungu banduku Élisée aglieta jibu arienda ku source kule kwenye kulikuwa bubaya na shema ngaribi ya leo twende ku source tukatoshe bile biote baliweka na tumwambie Mungu wa Israel akumbuke kanisa hii banduku bonheur yako bonheur yangu ina dependre na kazi ya Mungu na mune loko natumikia Mungu njoo kule Mungu atabariki bako batoto njoo kule Mungu atakukumbukia njoo kule Mungu atakuongezea hata miaka lakini kama unakuya faible unasema njoo paka vile ni mambo ya pastori na bazee yake yua aseme weye hautapata kitu. Mkitabu kia Nehemi, anekana na bantu, ndeko bana yenga, sambala na batobija, bana lamuka, bana sema, mubache bafanye lekaji. Et pourtant, les bantu, ce sont des impuissants. Abata weza kintu. Pale tu renare mwa atakwenda kupika ako. Bile biote beko na yenga bitanguka. Sambala napata majimu ya kusema vile. Lakini Nemi, wakati alipata ile mambo, ile message ya ironi, Nemi anadidia Mungu. Anamwambia Mungu, patia babantu force ya boku tumika na bafike mkwa cheve kaji. Balikuwa natumika, huyu na arme kumukono na utia kaji kumukono. Amene, barifika paka mkukloture na kaji yote ilimalizika. Banduku tunapenda kufutre deoru, prosetro na mambo ya o, baloji, wakati nenea. Mungu alikupatia pouvoir, alikupatia autorite, alikuinvestir na anakuambia mita kuya pamoja na wei. Va avec cette force que tu as. Uko na roho mtakatifu, uko na parole de Dieu, uko na promesse. Tunapenda kujafronte na kaji angiza. Tushimamie yulu. Shimama tu, hautaanguka kizunguzungu. Hautaanguka. Tunapenda shebote kintu kia kwanza likombea mchungaji wa kanisa. Tunaomba, tunapika mikono. Kaji yote ya tenebre kuyangusha chini. Umwambie Mungu kile unataka afanye na mchungaji. Kama unayua baserviteur bengine bale beko celebre mu Bible, umwambie Mungu. Kama unayua bale baserviteur beko celebre mu monde, umwambie Mungu. Napenda pasteur wangu fulani akuye hivi akuye hivi. Unamutaja panjina yake. Mungu amuwezeshe. Mungu amushindie. Akuye sawa bale bantu ba zamani balimutumiki. Kita kupikia mikono waseme tuchanger sujet. Kama unesha kuomba, unabamba sasa kanisa. Unaanza kumwombea Mungu. Kanisa ya mitume mlikuwa zawadi. Kanisa ya mitume mlikuwa parole puissante. Kanisa ya mitume mlikuwa ma miracle. Kanisa ya mitume mlikuwa augmentation ya bantu. Pourquoi msuru se feconde? Sasa Mungu ile ma promesse ulitulaka, iko wapi? Ma promesse ulitulaka kanisa hii. Tunataka tuyaone, tuyavivre juu ya gloire yako ionekane. Chez bote pamoja tunaomba. Muziki tunakwenda pole pole. Mungu alamushe badorateur babia kweli mu kanisa. Banduku, Elisee alisema anasenir mali, maana yake anaitakasa. Kupitia masemo alisema anatakasa mali na mukini inabakia musalama. Serilite natoka mumukini. Pauvreté natoka mumukini. Sababu mtumishi wa Mungu alifanya declaration. Na shwe mangaribi ya leo, tunakimbilia kwa Mungu muweza vyote. Wenye wanajua maisha yetu, wenye wanajua maisha kanisa hii, atende na abadilishe bintu mu maisha yetu. Tuombe mchina la Yesu. Pandisha sauti yako. Pandisha sauti. Fanya declaration par la foi. Declaration par la foi. Tunapenda kumulilia Mungu mangaribi ya leo. Seigneur notre Père, mwakati kama ya mangaribi notre Dieu, tunakimbilia kwako mfalme wetu. Najua kusema ya kama njora baki ya Mungu. Najua kusema ya kama njora baki ya wa uwezo. Najua kusema ya kama wenjongo na tenda. Najua kusema ya kama njora baka pape. Ya kweza kutiliza ati yako Bwana. Tanya maisha mchunga joko mfalme. Joko mana etele. Wakati ya mangaribi ya leo, niko na kamata desire mbali potele. Ya mwacha katika mikono yako. Nile chua kusema ya kama wanjo na wakia. Nile chua kusema ya kama wanjo na wakia. Nile chua kusema ya kama Bwana, wanjo ni mchakula. Ya wanjo ni mpenda mfalu wetu. Angeliweza kufa samani. Angeliweza kupotesha mawazo samani. Lakini tazama Baba, wakati ya mangaribi ya leo, yeye anakuja mtumishi wako Bwana. Alipakaliwa mafuta wa tirebu. Tuya kwezi. tuko na dada hapana kupotesha imani. Hapana kupotesha mawazo yako. Tumia imani mangalibi ya leo. Fanya declaration par la foi. Wakati Elisha alikuwa anasema, Biblia inasema anaseniri mai. Hakuna kifo kilionekana. Hakuna sterilite kilionekana. Bujima bulionekana banduku. Bantu banakuya bajima. Joko mena mwakati ya mangalibi ya leo. Tunapenda kuomba Mungu. Esprit de mort. Isho nekane katikati yetu. Kese so mort physique. Wala mort spirituel. Tumombe Mungu. Sterilite. Isho nekane katikati yetu. Kese so sterilite spirituel. Wala sterilite charnel. Tumambie Mungu. Kaji yankisa mangalibi ya leo. Tuikemee banduku. Tuitupe inje. Tunataka Mungu akumbuke kanisa hii. Tumambie Mungu, mado spirituel, ipate konekana ndani ya kanisa. Tumambie Mungu, alamushe ba serviteur, alamushe ba servante. Katala kashi yote ya nkisa, esprit ya accident, wikeme, na umambie Mungu, ajitukuze basi, tuombe mchina la Yesu. Pandisha sauti ya. Oh, Seigneur, esprit ya sato de bonte, etene notre foi, kwenye na baki ya Mungu. Kwenye kuna tisa yote mumeisha yetu. Kwa mwena buwana, kazi yote ya tenebre. Mutele mangalibi ya leo. Tuna kwenda kuyakeme ya buwana. Tuna katala kabisa. Esprit de mort. Esprit ya simetero tiyo. Niko na kwenda kuyakeme ya. Esprit da mfute mabu ya wewe. Kwenda kuyakeme ya mfana. Hata na kutupa ike mpesha kwa maisha. Tuna katala buwana. Kazi ya mkisa. Ipate kwenza kwa nekana. Kanya maisha peple yako. Kwa kata mangalibi ya leo. Wetu na baki ya Mungu. Kuruweza kusama ya kama. Kwa chie vajansu. Ya wale kutapie ya wana. Choku wa mwana sisi. Tunapenda saa kila mmoja wetu ombea kwanza ile mambo konayo. Kuko mambo moyo yako na kublokee. Kuko mambo moyo yako na bloke maisha yako. Fanya declaration par la foi mangalibi leo. Na umwambie Mungu wako akutendee. Kama ni esprit ya échec, uikemee mchina la Yesu. Basi tuombe mchina la Yesu. Pandisha sauti yako. Pandisha sauti. Pandisha sauti yako. Katala kazi ya tenebre kutawala. Mukono ya Mungu yonekane mu maisha yako. Uwezo wa Mungu yonekane mu maisha yako. Sababu yeye peke ndiye anabakia Mungu wetu. Asante Bwana. Mutaya ya mangalibi ya leo. Utakumbuka peple yako mfalme. Mutaya ya mangalibi ya leo. Utasaidia peple yako Bwana. Joko mana Seigneur notre roi. Kazi yote ya tenebre. Wakati ya mangalibi ya leo. Tunapenda kuyakemea o Dieu. Tunakatala kabisa organisation yote satanique diabolique au milieu de nous Seigneur. Mungu wetu, manifestation yote satanique diabolique Père. Tunapenda kuyakemea mfano. Esprit d'enfoutement, esprit yote confessé jina yako. Tunakatala mfano wetu. Tunataka Yahweh, kwenye peko nyanyue na upate kutuchunga. Roho Mtakatifu, achunge kanisa. Roho Mtakatifu achunge waliokuja bako. Roho Mtakatifu aongoze Bwana maisha yote yako. Roho Mtakatifu atukamilishe katika jina la Bwana. Asante Bwana. Tunakushukuru. Uko mwema. Hapana kupotesha mawazo. Naita mchungaji apate kuweza kutongezea kwa tena sije nyingine ya malombi. Oh alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment un jour terrible. Tout ce que l'ancien a dit pendant qu'il était là, c'était mon sujet de prière quand je suis entré. Et j'ai compris que Rome est à Katifu et qu'on a Kaisi et qu'on a fait un Mangaribi à Léo. Alors, on va adorer le Seigneur pendant ce temps. Et nous, on a sujé, moi, et Tatunisha Mahombitena. Nous allons adorer le Seigneur, la cour avec un cantique d'adoration. Le Saint-Esprit est là, la chorale. Faisons-nous un bon cantique d'adoration. Nous voulons entrer en prière. Il y a des cantiques que tu jouais pendant le temps en prière. Vas-y. Nous voulons adorer le Seigneur. Élève d'abord, commence à adorer le Seigneur. Avant de passer au sujet de prière, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, il y a des choses qui changent. Et ça doit changer. Ce soir, chaque fois que vous me présentez, c'est amour. Commence à prier, commence à adorer le Seigneur. Merci Jésus. Il est présent ce soir. Le Seigneur est présent ce soir. Oui, que ton cœur l'adore. Que ton cœur le voit ce soir. Il est monte en prière. Bien-aimé, prie le Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, bien-aimé, nous sommes en prière. On dit à Élisée, le pays est bon, mais les eaux sont stériles. Le pays est bon, mais coucou bintou bini bikuna la bicha, bousouri aïe moukini. Ndoa wa iko mzuri. Mekuko bintu mikuna la bisha. Buzuri wando. Maisha iko mzuri. Mekuko bintu mikuna la bisha. Buzuri wa maisha. Kanisa iko mzuri. Mekuko bintu mikuna la bisha. Buzuri wa kanisa. Ya eme. O atamu famienu. Votre famille est bonne. Mais il y a quelque chose qui abîme le goût de votre famille. Oh, mais la peine d'aujourd'hui là, pendant ce temps, même avant que Moïse ne donne le sujet de prière, dès que je suis entré, c'était ça mes sujets de prière. Et le Seigneur m'a confirmé, voilà, je veux faire quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose qui abîme le goût de ce que tu as, de là où tu vis. Kuko kintu kuna la bicha gu. Iku saba na pika muzuri. Munangukia banjiji. Munangukia bilulu. Il y a quelque chose. Usitoke mangaribi ya leo. En laissant la chose qui abîme le goût de votre famille, le goût de ta vie, le goût de l'église. Le goût. Il y a aimé. Oh bien-aimé. Tu peux te cacher devant les hommes. C'est vrai. Mais Mouroyako, Unajua, Kuko Paka Kintu, Krekuna la Bisha, Oncho, Yamaisha. Le goût dans ce que tu fais. Même dans le ministère, il y a quelque chose qui abîme. Tu sens un esprit de découragement t'envahir. Il y a quelque chose. Oh, mais la peine à m'engager à l'eau. Qui l'a montu? Et mon ombre à Maïsa, Yak, Nyumba, Yak. Comme on a quand même ombre à Kanisa. Bien, mais nous sommes en train de prier. Ce qui abîme le goût de la vie. Bien, mais à un moment donné, vous allez penser que non, Dieu m'a dit que ce n'est pas la raison. Ça peut être l'argent, mais ce n'est pas toujours l'argent. Il y a quelque chose. Kuko Kintu, Kreki na la Bisa, Boutamu. Il est mon et quelque chose qui abîme le goût de ce que Dieu t'a donné. Alors nous voulons prier. Prends la position que tu veux. Ou qui peut être si maman, si maman. Ou qui peut être qui cale. Ta foute à qui tu cales, tini, qui cale. Bien aimé, nous voulons prier. On continue avec le même cantique. Mais nous voulons prier le Seigneur. À Mangaribi à Léo. Parce que tu as appa. Tu n'as pas de cri qui a la bise à goût, mouma ishaïetu. Voici, tu n'as ici, tu n'es cala. Léo, qui toque. Katika Tina, élève nos voix. Anza Kuomba, prie. Oh bien, mais élève d'abord, tape les mains. Commence à prier. Commence à prier. Nous sommes en prière. C'est un vendredi de prière. Commence à prier. Commence à prier. Mangaribi Ale. Mangaribi Ale. Oh, ce soir, c'est qui abîme le coup. La Kanisa, il est dans la Bisha. Où il y a Pepi, il y a Maïsha. Léo, Léo, Léo. soit. Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Ce soir. Ce soir. Le Seigneur te bénisse. Notre deuxième sujet de prière. Élie en Abeba. Élisée a pris le plat neuf. Le plat. Et il a demandé du sel. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit que nous sommes le sel de ce monde. Donc, il y a Élie en Abeba Mount. On n'a pas ça pour changer goût, goût source. Ce soir, tu vas changer le goût. Élie a fait une seule prière. Il a déclaré, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus. C'est-à-dire que moi, je suis dans un kutoka. Mais tu appartiens par la nasem. Il dit, il n'en proviendra plus. Ni mort, ni stérilité. Mais la peine de tomber, il vient de biwir. Ni mort, ni stérilité. Stérilité signifie quoi? C'est une sécheresse. Mort, c'est la perte de vie. Donc, la mort, c'est que la kuna bougim. Stérilité, c'est qu'il y a la vie. Mais la vie ne produit pas le fruit. Stérilité, c'est comme il y a un arbre. Mais l'arbre ne produit pas le fruit. Stérilité, c'est comme s'il y a une entreprise. Mais l'entreprise ne donne pas de bénéfices. Tu as des enfants, mais ils ne produisent pas. Tu es dans le mariage, mais tu n'as pas le fruit du mariage. Tu es dans le ministère, tu n'as pas le fruit du ministère. Tu es au travail, tu n'as pas le fruit du travail. Oh bien-aimé, là, c'est des déclarations. Anasema, ainsi parle l'Éternel. Il n'en proviendra plus. Ni mort, ni stérilité. Qui s'en a tout pas en tchouvi? Tchouvi, On dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel aussi du monde. Nous sommes le sel de la terre. Donc la terre, ni fashi tuna kanyanga, ni fashi tuna ishi. C'est là où nous vivons, c'est là où nous marchons, c'est là où nous faisons tout. C'est ça la terre. Alors nous voulons prier. Bien-aimés, on a encore 5 minutes. Je voudrais pendant les 5 minutes que tu commences à marcher, tu fais des déclarations dans ta vie, dans ton travail. Tu dis ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, tu dois déclarer. La parole, elle est puissante. La parole, elle... Dieu nous a donné la parole pour appeler les choses à l'existence. On a vu ça le dimanche dans Romains chapitre 4, verset 17. Nommer les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors, mesdames et messieurs, exemple. Quand on bénit le mariage, le pasteur les déclare mari et femme. Il n'a pas crié à pas la vie. C'est que la parole, elle est puissante. Il faut croire à cette parole. Alors, mina penda, pendant les 5 minutes qui nous restent, chacun va prier pour sa vie. Tu dis, désormais, il n'y aura plus ni mort. C'est-à-dire, chez toi, tu dois refuser la mort. Ni stérilité. Tu dois refuser la sécheresse. Et quand je parle de la mort, le matin, j'étais en train de prier. Ils m'ont mis à cœur que vous devez prier pour des maladies dans le pays. Dans le pays. Je ne parle pas de délicatie. Maladies dans le pays. Et même maladies dans le monde. Ne soyons pas distraits. Nous venons de COVID, il n'y a pas beaucoup de temps. On ne soyons pas distraits que des choses comme ça reviennent encore. Nous sommes à la fin des temps. Et vous retenez ce que je suis en train de dire. Donc nous allons prier. Quand je parle de la mort, nous prions contre les maladies qui amènent la mort dans le pays, dans le monde. Et si dans votre famille, il y a des cas de maladie, tu pries. Tu pries pour cela. Et puis nous prions contre la sécheresse. C'est-à-dire, Ushitike Maisha Bakia Kukauka. Unenda Musoko Sawende Musoko. On est dans mon cage, on est dans mon cage. On a tout le temps que le choral, ça tourne au choral. On a comme canis, ça tourne au canis. Tu as évangélisé, ça tu as évangélisé. Non, non. Léo. Tu n'as pas comme Katala et déclaré comme Élisée. Bien, mais le même esprit, lisez dans Hébreu. Le même esprit, Jésus même aussi en a parlé. Aujourd'hui, il y a plus qu'Élisée. Élisée, ce n'était pas le seul qui a fait des grands miracles. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Le même esprit qui était dans Élisée. Alors nous allons déclarer dans nos vies, partout où nous vivons, que à partir d'aujourd'hui, il ne proviendra plus dans ma vie, ni dans l'église, ni dans la chorale, ni dans mes enfants, ni dans ma famille, ni mort, ni stérilité, au nom de Jésus. Élève ta voix, Anzakuomba, Katika Tina Laïs. Oui, monte en prière, monte en prière. Bien-aimé, c'est le temps. Commence à changer ta vie maintenant. Change pour retrouver le goût, pour retrouver le goût dans ta famille, pour retrouver le goût dans ton mariage, pour retrouver le goût dans la maison. Il ne proviendra plus, il n'y aura plus dans ma maison ni mort, ni stérilité. Ça ne viendra plus, ni mort, ni stérilité. Au nom de Jésus, ça ne viendra plus. C'est fini dans l'église, ni mort, ni stérilité. Dans ce pays, ni mort, ni stérilité. Dans ma famille, ni la mort, ni la stérilité. Ni la katala, ni la katala, ni la katala, ni la katala. Moutina la Yesu, moutina la Yesu. Ni la katala, la katala. Katala, Kakatala, oh prie, prie ce soir, ça doit s'arrêter, la mort doit s'arrêter, les maladies doivent s'arrêter, la sécheresse doit s'arrêter. Bitu mira kauka, mira katala, mira katala, amida kauka tena, amida kauka tena, mutina la Yesu, mutina la Yesu. Oh, merci Jésus. Je déclare ce soir, dans la vie de l'Église Source Féconde, de tous les ministères, de tous les serviteurs, que désormais, il n'y aura ni mort, ni stérilité. Je déclare les eaux symboles de la vie. Que les eaux soient assainies maintenant. Que leurs eaux soient assainies au nom de Jésus. Dans leur maison, dans leur vie, dans leur travail et partout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout une minute? Une minute. Tiens-toi debout. Nous sommes toujours en prière. Angara mikono yako. Mwambie que mungu mikono yango. Aimuta toka tena sécheresse. Biote bile bita bamba. Mikono ta produit. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour tes mains. Ombe mikono yako. Ni mikono yako. Aina mikono ya mtu mwingine. Mwambie Mungu a partir ya leo. Mikono yangu. Mikono yangu. Amutengia tena sécheresse. Aita kausha bini. Jote vile mikono itabamba. Bita produit. Bita produit. Bita produit. Mina omba Mungu. Mikono. Mikono. Mikono. Mikono. Ya kanisa. Mikono. Ya batoto yako. Il produit. Utina la Yesu. Utina la Yesu. Utina la Yesu. Oh, allez. Est-ce que les mains qui produisent peuvent acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Nous donnons les offrandes. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur avec nos mains? On loue le Seigneur avec nos mains. La chorale, la chorale. On peut chanter, on peut chanter. On donne les offrandes pendant qu'on chante. Nous donnons les offrandes. Nous donnons les offrandes et nous louons le Seigneur avec la chorale.